Donc, bonjour mes frères et sœurs, et nous continuons ce matin notre étude sur l'Épître aux Hébreux. Cette merveilleuse épître qui nous présente Jésus comme étant supérieur à toute personne et que son œuvre qu'il a faite est supérieure à toute œuvre qui aurait pu être faite par n'importe qui sur le monde, dans l'histoire du monde. Prions ensemble, si vous voulez bien. Notre Père du ciel, nous comprenons bien que quand Jésus est monté au ciel, ta parole nous dit que le ciel s'est réjoui, que les anges l'ont adoré, que les anges l'ont servi, que le Père l'ont invité à s'asseoir à sa droite, car il est au-dessus de toutes choses. Tout a été créé par lui et pour lui. On te demande, Seigneur, que tu puisses nous aider, encore une fois aujourd'hui, à bien comprendre ce que tu voulais dire quand tu as comparé Jésus à Aaron. Conduis-nous, au nom de Jésus. Amen. Je vais faire un petit résumé, si vous voulez bien. Il ne faut pas oublier, il ne faut pas perdre de vue que l'auteur a un but précis en écrivant à ce groupe de chrétiens hébreux qui passaient dans leur vie chrétienne une période où ils s'interrogeaient s'ils avaient bien fait de se tourner vers Jésus-Christ, si Jésus-Christ était suffisant, ou s'ils n'avaient pas dû garder la loi ou retourner à la loi. Et on va voir plus loin que quelques-uns ont déjà pris la décision de retourner à autre chose. Donc, faut pas perdre ça de vue. Parce que si vous perdez ça de vue, vous allez appliquer l'Épître aux Hébreux à la sanctification de la vie chrétienne au lieu de l'appliquer à des gens qui s'interrogent s'ils ont fait un bon choix en devenant chrétiens. Et ils se posent la question s'ils ne devraient pas renverser ce choix-là en retournant en arrière à ce qu'il y avait avant, qui était la loi, Moïse, le temple, et ce qu'on va voir ce matin, les sacrificateurs. Pourquoi étudier ça pour nous aujourd'hui? Parce que dans l'Église, partout dans le monde, il y a des chrétiens qui s'interrogent après X années de vie chrétienne s'ils ont fait un bon choix, s'ils ne se sont pas fait laver le cerveau par quelqu'un, s'ils n'ont pas été trompés ou abusés par quelqu'un. Donc, ils veulent retourner à leur ancienne vie, à leur ancienne religion, à leur ancienne pratique religieuse. Et l'auteur, ici, va s'appliquer à démontrer la supériorité de Jésus sur toute personne dans le monde, et la supériorité de l'œuvre de Jésus sur toute œuvre présentée par qui que ce soit. Jusqu'à date, on a vu que Jésus était supérieur aux prophètes. Autrefois, il nous a parlé par les prophètes. Dans les derniers temps, il nous a parlé par le Fils, qui était l'empreinte, l'image du Dieu invisible. Ensuite, il nous a démontré la supériorité de Jésus sur tous les anges, archanges, tout ce que vous voulez. Il est supérieur à tout le monde angélique. Parce que l'auteur a demandé aux anges d'adorer Jésus, mais de ne pas adorer les anges. Dieu a demandé aux anges d'adorer le Fils, mais il a jamais demandé au Fils d'adorer les anges. Donc, il est supérieur aux anges en tout, par sa nature et par son œuvre. Ensuite, on a vu qu'il était supérieur à Moïse. Moïse était un serviteur fidèle sur la maison de Dieu. Jésus est fils fidèle sur la maison de Dieu. Donc, un fils est supérieur au serviteur. Ensuite, on a vu que le repos que Jésus amène est supérieur au repos que Moïse aurait pu offrir ou que Josué aurait pu offrir. Un repos parfait, gagné, mérité par Jésus-Christ, attribué aux enfants de Dieu par la foi. Maintenant, nous allons voir à partir de ce matin, et pour quelques matins, Jésus supérieur à Aaron. Pour qu'on puisse comprendre un petit peu ce qui va se passer dans les jours qui viennent, il faut un peu se rappeler, peut-être nous qui étions catholiques, le pouvoir qu'avaient les prêtres dans notre ancienne vie en tant que catholique, pour ceux de mon âge. Il y avait le pouvoir de pardonner les péchés. Il y avait le pouvoir de sanctifier l'hostie afin qu'on mange le corps de Christ. C'était à travers eux qu'on pouvait avoir, jouir du sacrifice parfait de la messe, qu'ils autres disaient. Donc, il y avait un rôle très important dans notre vie en tant que catholique. Mais chez les Juifs, c'était aussi la même chose. Les Juifs avaient été élevés avec les prêtres, les grands prêtres, les sacrificateurs, le temple. Et depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, 60 ans pour certains d'entre eux autres, 70 ans peut-être, ils allaient au temple régulièrement faire des sacrifices, faire des aumônes, faire des louanges, faire de l'adoration, offrir des sacrifices pour leurs péchés. Donc, les prêtres avaient un rôle d'intermédiaire entre Dieu et eux. Et là, par la foi, ils ont tourné la page et embrassé la foi chrétienne, l'Évangile, qui présentait Jésus comme étant le seul que nous avions besoin pour être en relation avec Dieu, pour adorer Dieu, pour louer Dieu et pour rendre grâce à Dieu, pour être sauvés, pour le pardon de nos péchés. Et là, pour des raisons que je c'est pas tout à fait toujours clair. Est-ce qu'il y a eu des faux prophètes? Est-ce qu'il y a eu des enseignements? Est-ce qu'il y a des gens qui se sont convertis et qui ont voulu emmener les deux? Oui, c'est bien, c'est Jésus, mais il faut aussi avoir l'ancienne, il faut aussi avoir la circoncision, il faut aussi avoir, on voit que dans les Actes des Apôtres, ils ont eu ce problème-là. Les Épîtres aux Galates ont ce problème-là, donc c'est pas surprenant que des Hébreux aient ce problème-là encore plus fort. Pourquoi pourrons-nous pas avoir les deux? Et quand on lit les Actes des Apôtres, vous allez voir dans une période de 30 ans, jusqu'à la fin du livre des Actes des Apôtres, on voit les chrétiens juifs qui vont encore au temple, qui font encore des sacrifices, qui font des vœux, qui font des sacrifices d'action de grâce à travers le temple. On voit Jacques demander à Paul, « Paul, va au temple, fais des sacrifices pour ceux qui ont fait des vœux. » Donc, ils pratiquaient encore à travers le temple bien des choses dans leur vie. Donc, ils étaient en train d'en sortir complètement. Donc, il y a des Hébreux, ceux à qui l'auteur écrit ici, qu'eux autres pensent que peut-être qu'ils ont fait un mauvais choix et qu'ils devraient retourner. Je sais que j'ai employé la moitié de mon temps à en résumer ça et mettre une explication, mais il faut bien comprendre ça. Que c'était pas si facile que ça. Un peu comme des fois on a entendu dire nous autres, hein, il était facile de sortir de l'Église catholique, mais il n'était pas facile de sortir de l'Église catholique de nous. Parce qu'on avait tellement répété souvent les mêmes choses, tellement appris des choses qui s'étaient incrustées en nous, et sans s'en rendre compte, on a des fois tendance à traîner ça dans notre foi chrétienne. Donc, à partir du chapitre 4 jusqu'au chapitre, à partir du chapitre 5 jusqu'au chapitre 7, il va être question de Aaron et de Jésus. On va commencer ici, ce matin, chapitre 5, verset 1. Il va y avoir une parenthèse pour un jugement, un troisième avertissement de jugement. Et on va revenir au chapitre 6, au chapitre 7, avec Aaron et Melchisédek et Jésus. Donc, nous allons lire, si vous voulez bien, chapitre 5, verset 1. En effet, tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes est établi pour les hommes dans le service de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Il peut avoir de la compréhension pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son partage. Et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés, comme pour ceux du peuple. Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu comme le fut Aaron. Ici, il décrit les sacrificateurs, qui les aimait en place, quel était leur rôle. On va voir ça ensemble dans les minutes qui viennent. Donc, il dit tout souverain sacrificateur. Donc, on va faire une petite parenthèse, une petite coche. Vous savez, il y avait des milliers de sacrificateurs, mais il y avait seulement un souverain sacrificateur. Donc, Jésus, ici, n'est pas comparé au sacrificateur, mais au souverain sacrificateur, Aaron, qui était souverain sacrificateur. Certaines bien, mon grand prêtre. Donc, c'est eux autres qu'on compare Jésus dans les chapitres qui viennent. Donc, il dit, tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes est établi pour les hommes dans le service de Dieu. Donc, un sacrificateur est pris du milieu des hommes, donc c'est un être humain, il est établi pour les hommes dans le service de Dieu. Donc, son rôle, c'est d'avoir un rôle entre Dieu et les hommes. Il est là pour les hommes en faisant le service de Dieu. Il sert Dieu et il le fait pour les hommes qui viennent lui demander au grand prêtre de faire des sacrifices, d'offrir des sacrifices ou de rentrer dans le lieu très saint pour faire l'expiation de leurs péchés en présentant du sang sur l'arche de l'Alliance. Donc, le grand prêtre avait surtout ce rôle-là. Les prêtres, eux autres, tuaient les animaux, préparaient les animaux, faisaient des sacrifices sur l'autel, ils faisaient, offraient les parfums, et ces choses-là l'entourent du temple. Mais seulement le grand prêtre, qui avait le droit d'entrer dans le lieu très saint, offrir le sang d'un animal pour faire l'expiation des péchés le jour ou de la fête de l'expiation. Donc, le souverain sacrificateur a un rôle très précis que les autres sacrificateurs n'ont pas, c'est d'intercéder pour les hommes auprès de Dieu, pour faire le sacrifice ou l'expiation des péchés en offrant le sang d'un agneau. Il dit, afin, il est là, pourquoi? Afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Donc, c'est son rôle. Il est pris parmi les hommes, donc c'est un homme. Il est établi pour les hommes, il est en place pour les hommes, pour être un serviteur pour les hommes, dans le service de Dieu. Et il présentait des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Donc, c'est son rôle. Les hommes sont des pécheurs et Dieu avait donné dans la loi des offrandes et des sacrifices à faire pour les péchés et c'est le souverain sacrificateur qui faisait cela. Et le verset 2 dit, il peut avoir de la compréhension pour les ignorants et les égarés. Il y a de la compassion, il y a de la compréhension pour les hommes qui font ça. Pourquoi? Puisque lui-même, il est comme eux. La faiblesse que les hommes ont, le mot faiblesse ici, c'est le mot péché, le péché qu'ils font est aussi son partage. Lui aussi a fait des péchés. Donc, il comprend que les hommes vont aller et offrir des offrandes et des sacrifices pour leurs péchés parce qu'il les comprend. Il ne devrait pas les regarder de haut parce que lui-même, au verset 3, et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés, comme pour ceux du peuple. Même si c'est lui qui offre les sacrifices pour les péchés du peuple, il doit, en même temps qu'il fait cela, il doit lui-même confesser ses péchés et l'offrande ou le sacrifice qu'il offre pour les péchés du peuple comprend ses propres péchés, parce que lui-même est pécheur. Donc, il n'est pas au-dessus du peuple, il fait partie du peuple, choisi parmi le peuple, pour le peuple, et il fait des sacrifices pour les péchés, ses péchés et les péchés du peuple, afin de faire l'expiation des péchés. Verset 4, nul ne s'attribue cette dignité. s'il n'est appelé de Dieu comme le fut Aaron. Donc, comment Aaron a-t-il hérité de ce poste? Comment a-t-il été appelé de ce poste? Ceux qui veulent aller, vous pourriez aller voir dans les, je pense, ça doit être dans Nombre, Deutéronome. Où est-ce que Aaron est appelé par Moïse? Moïse va lui imposer les mains, il va le oindre d'huile, il va lui asperger du sang sur lui parce que Dieu l'a appelé à faire le rôle de souverain sacrificateur. Et donc, Aaron est choisi par Dieu et lui et ses descendants vont avoir le rôle de souverain sacrificateur. Les sacrificateurs vont être parmi les Lévites. Mais les souverains sacrificateurs doivent faire partie de la famille de Aaron. Aaron était parmi les Lévites, la tribu de Lévi. Donc Aaron n'a pas mérité ce rôle. Il n'a pas, Dieu ne l'a pas appelé parce qu'il était plus saint que les autres, plus pieux que les autres. C'est un pécheur comme les autres, parce que lui-même, Aaron, a dû offrir des sacrifices pour ses propres péchés. Donc, le sacrificateur, souverain sacrificateur, est un pécheur comme les autres. C'est pour ça que on va les voir, pas longtemps après, ses fils, qui étaient, faisaient partie de la maison de Aaron, qui étaient appelés à être les souverains sacrificateurs, à le remplacer. Ils vont mourir devant l'autel. Ils vont, parce qu'ils n'ont pas fait le travail comme il faut. La faiblesse faisait partie. Elle faisait partie. Aaron était le chef religieux, si je pourrais dire, de son peuple, mais était faible, comme le peuple. Et ça, vous allez voir que demain, c'est toute la comparaison avec Jésus. Jésus est un souverain sacrificateur supérieur. Pourquoi? Parce que lui n'a pas de péché. Tous les chefs religieux de ce monde, Mahomet, Bouddha, Krishna, les papes, tous les saints que vous voulez mettre dans le bateau, tous ces hommes-là et femmes-là qui sont les chefs religieux de ce monde, sont des pécheurs comme leurs adeptes. S'ils sont des pécheurs, sont appelés à se tromper, sont appelés à manquer, sont appelés à tomber, sont appelés à se détourner de la vérité. Ils sont sujets à la faiblesse. C'est Dieu qui a choisi des hommes pécheurs pour le faire. Mais il rappelle à l'homme, à le chef, comme Aaron, ici le souverain sacrificateur, rappelle-toi bien que tu n'es pas au-dessus de tes frères. Tu es pareil comme eux, parce que tu dois offrir des sacrifices pour toi comme pour eux. Tout chef religieux n'est jamais au-dessus des personnes avec lesquelles il va travailler. Aaron est un sacrificateur. Donc, comprenons bien le rôle que Dieu parle ici. Un homme choisi parmi les hommes pour faire le service auprès de Dieu pour ces hommes-là et pour lui en même temps. Il est choisi de Dieu. Et le souverain sacrificateur avait un rôle bien précis, faire des offrandes et des sacrifices pour les péchés du peuple et les siens. Notre Père du ciel, nous te bénissons que tu avais donné aux hommes dans ce temps un moyen pour s'approcher de toi. Et ce moyen, c'était le grand prêtre qui devait offrir des sacrifices pour faire l'expiation des péchés, afin que tu reçoives les hommes dans l'adoration, dans la louange, dans la prière. Il fallait que les hommes fassent l'expiation de leurs péchés. Et tu avais demandé ça une fois par année qu'ils devaient faire ça. Seigneur, nous allons voir dans les jours qui viennent que notre sacrificateur, notre souverain sacrificateur, notre grand prêtre qui est Jésus, est beaucoup plus grand, de loin supérieur, car lui, il va être sans faiblesse. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.